parfum dans l'air. C'est un petit coin sympa où l'eau stagne légère, attendant le moment de couler tendrement. C'est un endroit d'aisance, un lieu de grand silence où il fait bon venir se recueillir en paix. Jusqu'à perdre patience.